moment. Quel record, quelle performance, bravo. Dites-nous comment on se prépare à Paris 2024. Il n'y a pas de secret, c'est de l'entraînement, mais le plus important, c'est de bien s'entourer. C'est pour ça que je suis passé chez EDF en début de saison. Passez une rentrée de champion avec EDF. Jusqu'au 10 septembre, ouvrez un contrat d'énergie chez EDF, fournisseur officiel d'électricité renouvelable des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et tentez de remporter vos places, dont deux pour la cérémonie d'ouverture. Infos et conditions sur edf.fr/une-rentrée-de-champion. L'énergie est notre avenir, économisons-la. La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, le dessin et ses imaginaires. Durant tout cet été, la conversation scientifique explore pas à pas les différentes facettes de l'imagination, de l'imaginaire et du rêve. Notre ambition est de donner au fil des semaines un corps radiophonique à la thèse de Gaston Bachelard, selon laquelle raison et imagination agissent toujours de conserve. Elles se conjuguent en somme comme la voile et la dérive d'une embarcation. Chacune d'elles, si on la met en œuvre isolément, ne permet guère d'avancer. Mais actionnées ensemble, elles impriment une progression. La question est en somme, est-il possible de rendre raison de ce que nous imaginons? Et réciproquement, est-il possible de déterminer dans quelle mesure nous pouvons donner raison à ce que nous imaginons? Aujourd'hui, c'est l'art du dessin, l'imaginaire que le dessin réclame ou déploie, que nous allons interroger. Notamment du dessin lorsqu'il se déroule en bande organisée, autrement dit en bande dessinée. Et pour ce faire, j'ai l'honneur de recevoir Christian Durieux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dessinateur et auteur, notamment de bande dessinée, et vous êtes né, comme par hasard, à Bruxelles. L'éternel. Vous êtes lauréat de nombreux prix, notamment pour La vie me fait peur, avec Didier Tronchet, bande dessinée qui est une adaptation du roman de Jean-Paul Dubois du même titre, et aussi pour Le Fossoir, écrit avec Denis Lapierre et Daniel Couvreur. J'ai une première question, Christian Durieux, que je ne peux pas m'empêcher de poser. D'où vient que la probabilité qu'un individu devienne dessinateur de bande dessinée se trouve notablement augmentée si cet individu est né à Bruxelles? Alors, je ne sais pas jusqu'où irait la probabilité. J'en ai croisé quelques-uns quand même quand j'habitais Bruxelles. J'ai eu le temps d'en croiser quelques-uns, les 40 ans presque que j'ai passé là-bas. Par contre, depuis, je suis assez transfuge, je suis passé à Bordeaux, ou dans la région, où il y a beaucoup de dessinateurs aussi. Alors, je ne sais pas s'il y a une espèce d'épidémie qui se passe de Bruxelles à Bordeaux, peut-être que c'est l'ordre alphabétique, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que la Belgique elle-même était une espèce de... a longtemps été considéré comme un berceau de bande dessinée, à cause de quoi, je crois, je suis pas vraiment historien de la bande dessinée, mais essentiellement par l'existence d'éditeurs qui étaient implantés là-bas. Et quand vous me parlez de Bruxelles, je me sens d'autant plus, entre guillemets, bruxellois, qu'il y a deux écoles en Belgique, qui sont Bruxelles et Charleroi, et qui sont assez différentes dans l'esprit, en tout cas qu'on a considéré différentes dans l'esprit depuis tout ça a bien changé. Et moi, on pourrait dire que je suis typiquement, si je puis dire, un enfant de Bruxelles, c'est-à-dire ce qu'on aurait pu dire caricaturellement. Alors, par contre, je suis désolé, ça va peut-être s'opposer à la question de l'imaginaire. Ce serait une école plus réaliste que celle de Charleroi. C'est-à-dire que Bruxelles, c'était le journal Tintin. C'est-à-dire plutôt une bande dessinée entre guillemets sérieuse, plutôt réaliste, très inspirée par le monde contemporain, même s'il y avait toutes sortes de choses. Et Charleroi, c'était, il y avait un côté plus latin, plus drôle, plus dans la dérision et l'humour. Et moi, voilà. Je crois qu'il y avait une explication plus, disons, plus culturelle que celle-là. C'est celle que propose Simon Laïs dans son livre, ou plutôt dans un passage d'un livre qui consacre à la Belgitude. Oui. Il dit la Belgitude, c'est une conscience diffuse d'un manque, notamment oui. D'une langue propre. C'est pourquoi le Belge, dit-il, a peur de la prétention, surtout de la prétention des mots dits ou écrits. Le Belge croit que les mots sont prétentieux. C'est pourquoi il les empâte et les étouffe tant qu'il peut, tant qu'il soit devenu inoffensif et bon enfant. Parler se doit faire, pense-t-il, comme ouvrir un portefeuille. en cachant les billets de 1000. Oui, c'est très bien. C'est très bien. Mais en fait, ce que je trouve très beau dans le texte, enfin, un terme auquel je n'aurais jamais songé, c'est celui de manque. J'aurais personnellement parlé de mélange, mais peut-être qu'un mélange veut dire d'office un manque. C'est-à-dire que si on n'est pas exactement situé quelque part, si on est le fruit de plusieurs moments, de plusieurs expériences ou de plusieurs langues, par exemple, très différentes, on n'a jamais sans doute l'impression d'être dans l'aboutissement de l'un en particulier ou de l'une en particulier. Et donc peut-être, comme on est un pays qui a appartenu à beaucoup d'autres précédemment, dans lequel il y a quand même trois langues nationales, c'est vrai que ça crée cette espèce de rapport aux mots qui est assez particulier, et qui a créé aussi, je pense d'ailleurs, cette forme qu'on reconnaît souvent, je pense aux Belges, d'autodérision, et notamment parce que la langue permet aussi de parler de soi, en Belgique je pense avec recul, et avec humour, en quelque sorte. Par exemple, à un moment, moi, j'étais assez intéressé, alors ce n'est pas dans le cadre de la bande dessinée, c'était parce que j'étais assez passionné de littérature à un moment, par le surréalisme, et on voit à quel point l'image du surréalisme en France prenait une tournure très intellectuelle et très sérieuse. Hein, on parlait de Breton comme étant le pape du surréalisme qui excommuniait les uns les autres, etc. Alors qu'il y a une très très grande culture surréaliste en Belgique et qui se passait beaucoup plus par l'humour, l'autodérision et qui par la langue elle-même, la langue traduisait ça. Peut-être qu'on y reviendra en parlant de votre album Le Fossoir tout à l'heure. Ah oui. Mais je me suis laissé dire que, alors que je vous ai présenté comme auteur, dessinateur, vous êtes aussi philosophe, vous avez étudié la philosophie, notamment la romanistique, enfin ce qu'on appelle romane. C'est différent de la romanistique ? Non, ce qu'on appelle la philologie romane, c'est en fait ce qu'on appellerait ici les lettres modernes, je pense. Ah bon ? C'est simplement ça, c'était destiné à être prof de littérature, si je puis dire. Et en fait, c'est en Belgique, il y a les philologies romanes, c'est-à-dire langues issues du romain, de la langue latine. Donc tous les pays faisant partie de cet ensemble de langues romanes, avec l'Italie, l'Espagne, etc. Et en face de ça, il y a les langues germaniques, qui sont les langues venues du germain, le flamand en Belgique, mais l'anglais aussi, etc. Je pensais que vous parliez latin couramment. Alors j'aurais pu à une époque, parce que je viens d'une drôle... J'ai vraiment l'impression d'être un dinosaure en vous disant ça. J'ai fait des études... Les études supérieures, donc en Belgique, collège et lycée se mélangent, portent le même nom de collège, et on appelle toujours ça les humanités, avec cette très belle, je trouve, connotation. Et à l'époque, quand on était plutôt dans cette fameuse distinction entre littéraire et scientifique, quand on était plutôt, comme c'était mon cas, littéraire, on faisait ce qu'on appelait les latins grecs. Et donc, pendant 6 ans, j'ai dû faire 7 heures de latin par semaine, 5 heures de grec, 5 heures de français. Autant dire qu'il ne restait pas beaucoup de place pour le reste, mais donc voilà. Alors, vous connaissez Tim Burton, j'imagine, qui est évidemment un réalisateur, mais aussi un graphiste, qui dit du dessin qu'il est un exercice pour une imagination agitée. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que votre imagination, votre imaginaire, je ne sais pas s'il faut les distinguer, est agitée? Alors moi, déjà, je pense que je les distinguerai. J'utilise plus mon imagination que de l'imaginaire, mais enfin, on pourrait en parler longtemps. Parce que vous êtes réaliste. Que je suis de cette fameuse école. Ouais. Voilà, je suis resté un réaliste. Par contre, j'aime beaucoup l'idée que justement, la bande dessinée puisse être une très belle traduction par l'imagination du réel. Je suis pas très, très agité, et justement, pensant un petit peu au générique de votre émission, à la question de imagination et raison, disons, justement, la bande dessinée a aussi ce site particulier, c'est qu'elle met beaucoup en œuvre l'imagination, voire l'imaginaire, mais c'est un métier tellement lent. Faire un livre, dessiner case après case, ça prend tellement de temps que finalement, la raison occupe une grande place, c'est-à-dire, ce que j'appellerais la raison, je ne sais pas si vous en conviendrez, mais c'est l'idée de donner forme à cette imagination et la façon dont il y a cette espèce de mouvement qui existe sans doute dans tous les arts, mais en même temps, il y a des arts où on peut se permettre plus de spontanéité. Jackson Pollock sera toujours plus spontané que je ne pourrais jamais l'être. Ça demande plus de méthode, finalement. C'est ça que vous dites que l'écriture, par exemple. Alors, je pense, ce qu'il y a, ça demande aussi plus de méthode. Par exemple, par rapport à l'écriture. L'écriture demande bien sûr beaucoup de méthode, encore qu'on puisse être dans quelque chose aussi de très lâché, entre guillemets. Ce qui peut être le cas dans le cadre de la bande dessinée. Mais il y a il y a la poursuite en général d'une narration qui se passe sur des pages et des pages et des cases et des cases. Et notamment une chose, c'est que c'est très difficile de faire l'économie du temps du dessin. Qu'on soit un dessinateur rapide ou pas, ou plus laborieux, peu importe. Oui, on ne peut pas dicter un dessin par son dictaphone. Voilà. Comme on peut faire avec voilà. des phrases. Si vous êtes en train de courir, si vous êtes en train de nager ou de faire du vélo, vous pouvez avoir l'idée d'un poème, vous le répétez en boucle, faire résonner les phrases dans votre tête, et à peine rentré, prendre la minute qu'il faudra à peine pour le retranscrire sur le papier. La moindre idée que j'ai de dessin va me prendre le temps de fabrication de ce dessin. Et donc, il vaut d'ailleurs mieux pas... C'est incompressible. Et il vaut mieux, du coup, avoir des idées plutôt modestes pour que le dessin puisse se faire plus vite. Ah ben voilà, vous expliquez tout par cette comparaison. Christian Durieux, certains disent que vos dessins sont élégants, joyeux et mélancoliques. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec ces qualificatifs? Et est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre joyeux et mélancolique? Non, je pense que les deux vont de pair et il vaut mieux en France associer un peu de mélancolie à la joie parce que c'est souvent assez mal vu, je pense, l'humour pur, entre guillemets, ou l'espèce de la joie qui serait donnée de façon très spontanée semble souvent assez suspecte, semble un petit peu... En France Oui. Plus qu'en Belgique Peut-être en Belgique aussi, en tout cas en francophonie. Si dans nos traditions culturelles, il suffit de voir les critiques littéraires, de cinéma, etc., pour voir à quel point, quand quelque chose se pose comme étant spontanément joyeux, essentiellement joyeux, on a du mal à recevoir ça comme n'étant pas un manque de profondeur. Moi, je pensais à il y a un très joli poème de Hofmannsthal qui dit « J'ai caché la profondeur, où est-elle à la surface ?» Et je pense que justement, la surface, si elle est joyeuse, elle peut aussi s'accompagner de mélancolie. Et je pense que on peut faire... croit faire des histoires où il y a toujours la conscience qu'il y a un avant, un après, et donc il y a un début et une fin, que la fin peut être dans la mélancolie, mais que ça n'empêche pas d'être dans la joie du moment, etc. Alors, il y a un philosophe qui s'est opposé à ça, c'est Clément Rosset, qui définissait la joie comme la force majeure. Oui, mais je le disais, pense. Il disait, voilà, tout être joyeux est un être déraisonnant, c'est-à-dire qu'il est joyeux malgré tout, et que c'est justement la conscience du tragique qui permet la joie. Exactement. On n'est pas joyeux parce qu'on est dans des conditions qui permettent de l'être. C'est au contraire le sens du tragique qui, par réaction, provoque l'envie d'être joyeux. Au point que parfois, ça nécessite même une forme de discipline d'être joyeux. Forcé. On se force à être joyeux. Comme pour beaucoup de choses, hein, on saute et puis après ça va tout seul. Mais il y a un moment, il faut le réflexe de sauter aussi. On peut se laisser aller sinon. Enfin. Alors Christian Durieux, question inévitable. Comment est-ce qu'on devient dessinateur? Ça commence à quel âge? Est-ce que le dessin a été votre premier langage, Mais si j'ose dire? Est-ce que le dessin n'est pas le premier, c'est peut-être presque un cliché de le dire, le premier langage de tout le monde avant les mots, avant l'usage de la parole, le vrai usage de la parole? Est-ce qu'on n'a pas tendance à exprimer les choses par le dessin? En tout cas, la plupart des enfants dessinent. Et bizarrement, à partir de quel moment, je ne sais pas, je ne suis pas... spécialiste, mais j'ai l'impression qu'on peut estimer une certaine période de l'enfance où le dessin, pour la plupart, s'arrête. On passe à autre chose, peut-être à la parole, peut-être à l'obligation scolaire, en quelque sorte, hein, les dictates, le normatif dont le dessin permet de s'échapper. Et alors moi, en fait, bizarrement, donc, j'ai continué à dessiner, mais je pense pour une raison précise. Je suis vraiment fondamentalement un auteur dessinateur de bande dessinée. C'est-à-dire qu'il est extrêmement rare que je dessine gratuitement, si je puis dire. Que je dessine avant tout pour raconter. Il faut une histoire. Voilà, en quelque sorte. Et je me suis là-dessus fondé ma petite mythologie personnelle, si je puis dire, comme tout le monde se crée ces petits moments de vie qui ont l'air de vous transformer. C'est le souvenir d'une grand-mère qui, à Noël, m'offre deux livres. L'un, c'est un album de Tintin. Tintin en Amérique, d'Hergé, et l'autre, c'est un roman de quelqu'un qu'on ne lit sans doute plus beaucoup aujourd'hui, qui était La Princesse de Ségur, livre qui s'appelait Un bon petit diable. Et je découvre à la lecture de ces deux livres le même plaisir pour la narration, avec le fait en plus que moi, une de mes façons de m'exprimer principale, voire la principale de toute façon, est le dessin. Et en quelque sorte, deux passions vont s'associer, c'est-à-dire littérature et dessin, et donc ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui littérature en dessin, que serait la bande dessinée. Mais est-ce qu'on apprend à dessiner? Je crois qu'on apprend... Parce que vous avez, je crois, suivi des cours au collège. Oui. Des cours de bande dessinée, on n'en trouve pas partout. Non, c'est, en fait, c'était un peu exceptionnel. Ça n'a pas duré très très longtemps. C'était deux oseaux de... du journal de Spirou qui avait été engagé pour donner un petit cours sur le temps de midi, hein, comme une comme on fait du chant ou de la gymnastique. Le temps de midi, c'est la pause. Sur la pause de midi, voilà, ah ouais. Voilà. En France, on dit la pause déjeuner. Je parle belge. Soudain, je me suis trahi, gauche. Et non, ils avaient donc effectivement, ils m'ont appris quelques beaux rudiments, mais non, pour ce qui est de l'apprentissage, en fait, je ce que je pense surtout, c'est que... En fait, je pense à une phrase de Malraux, qui avait une jolie phrase où il dit « Giotto n'est pas devenu peintre devant des moutons, il est devenu peintre devant Cimabue ». Et en fait, ce qu'il veut dire, c'est que on a créé une espèce d'image de Giotto, le petit paysan qui dessine au charbon, j'allais dire, sur des pierres, des moutons. Et ce que veut dire Malraux, c'est que c'est pas en regardant des moutons qu'il devient dessinateur, c'est en regardant l'œuvre du peintre des grands peintres précédents, dont Cimabue. Et donc, on apprend à dessiner aussi essentiellement parce qu'on apprend à regarder les dessins. Alors, quels ont été vos maîtres, j'allais dire vos moutons? Mes moutons, voilà. Et moi, en l'occurrence, c'était notamment Hergé, qui reste un personnage pour moi quasiment indépassable, pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de raisons. D'ailleurs, pour le coup, je trouve que c'est quelqu'un qui, dans notre tradition franco-belge, a créé un monde comme il y en a peu, au point que c'est passé dans le langage courant. J'entends encore récemment, justement, sur une chaîne de radio l'autre jour, plusieurs fois, il arrive souvent l'entendre, cette expression, par exemple, c'est comme le sparadrap du capitaine Haddock. Oui. Et il y a toute une série de choses comme ça. Donc, il a créé un monde, puisqu'on parle d'imagination et d'imaginaire, il a créé un monde qui est partagé par tout le monde, qui est connu, qui a dû passer à la fois par la grâce de sa narration, l'inventivité, la richesse de sa narration, et puis ce qui m'étonnait, et ça j'en suis le fruit, parfois je me dis hélas, c'est la rigueur du dessin d'Hergé. C'est-à-dire c'est quelqu'un, ce qu'on appelle la ligne claire. La ligne claire, c'est la ligne qui doit être la plus pure possible. Très peu de traits, mais le personnage est reconnaissable. Voilà, et il faut que l'intention soit nette. C'est beaucoup dire avec peu de moyens, en quelque sorte. Ou ce qui semble être peu de moyens. Mais justement, est-ce que le dessin, il procède de la construction ou bien de l'épuration? C'est-à-dire, on se débarrasse de tout ce qui est surcharge. Pour moi, il est dans l'épuration. Mais je pense que pour d'autres, je pense pas qu'il y ait de règles. Pour moi, il est vraiment dans l'épuration, mais c'est justement ce qui, paradoxalement, demande un travail fou. Quand vous disiez ces qualités qu'on me donne d'élégance, joyeux, etc., parfois, quand je lis les critiques, il y a un terme qui peut être ambigu, c'est qu'on parle d'une certaine forme de simplicité, par exemple. Alors, il y a dans la bouche de l'un, c'est plutôt de dire effectivement une forme d'élégance simple. Dans la bouche de l'autre, ce sera la pauvreté, cette simplicité. Or, elle est souvent le fruit d'un travail énorme, d'une façon d'enlever. Mais il y a l'exemple de Picasso. Vous connaissez la série des 12 tableaux que Picasso a peint entre décembre 45 et février 46, c'est 12 portraits, enfin dessins tableaux représentant un taureau. Oui. Le premier est très gras, il transpire, c'est un taureau presque réaliste. Oui. Et à mesure que le numéro du tableau progresse, il s'épure peu à peu de sa graisse ontologique. Oui. Et le deuxième tableau, c'est un dessin, c'est quelques lignes curvilignes. Oui. Qui sont suffisantes pour qu'on reconnaisse un taureau. Mais si on retirait une seule de ces lignes, il n'y aurait plus de taureau. Oui, oui, et oui. Donc c'est une espèce d'essence du taureau qui est représentée à l'issue d'un travail d'épuration. Mais je songeais à ça quand je parlais du dessin qui apparaît dans l'enfance. Par exemple, c'est quand même une chose extraordinaire, même si j'ai fait un peu de linguistique, etc. Je ne suis pas du tout spécialiste. Oui, oui, c'est bon. Enfin, j'ai eu du temps pour le faire. Non, mais c'est-à-dire que votre dessin, je m'ennuyais beaucoup. Ça se voit dans votre dessin, il est nourri d'imaginaires multiples. Oui, mais c'est parce que justement, je songeais à ceci. C'est quand même extraordinaire qu'un enfant puisse se mettre à reconnaître une chaise, quel que soit ce modèle de chaise. On lui montre une chaise Pantone, on lui montre une chaise du 19e, on lui montre une chaise en plastique moulé, enfin justement d'aujourd'hui, etc. Et il va associer toutes ces images sous le mot chaise. Et pour moi, il y a cette part, chez moi, si vous voulez, d'arriver effectivement à quelque chose qui, de façon pure, serait un peu l'idée même, en quelque sorte, de ce que je veux montrer. Oui, mais il faut saisir quand le personnage est un personnage qui a existé. Oui. Il faut le saisir avec un minimum de traits, mais suffisamment de traits pour qu'il soit reconnaissable. Oui, mais alors là, par contre, j'ai c'est aussi... C'est pas comme la chaise. Non, c'est pas comme la chaise. Par contre, alors là, j'espère que l'espèce de petit jeu de passe-passe qu'on fait, c'est à la fois de donner suffisamment de traits pour qu'on puisse le reconnaître et à la fois de se l'approprier. C'est-à-dire de savoir que de toute façon, ce ne sera pas celui qu'on représente et que certains pourront émettre. En plus, en bande dessinée, il faut toujours se méfier. Il y a des fans dans tous les sujets. Hein. Donc, je ferai jamais un livre, par exemple, qui se passe dans des avions de la guerre 40-45. Il y a toujours un type qui va venir vous dire, oui, mais attendez, sur un Stuka, machin. voilà, il y a 12 vis là, à tel endroit sous l'aile. Donc, l'importance, justement, moi, ce que j'adore dans le dessin aussi, c'est l'idée de suggérer. Qu'on représente la réalité ou pas, c'est l'idée de la suggestion. Mais si je compare avec les écrivains, il y a des écrivains qui écrivent après que la phrase s'est formée dans leur tête. Oui. Est-ce que vous avez déjà des images avant de dessiner quelque chose? Les deux, mon général. Ça arrive que l'histoire, en quelque sorte, soit prééminente. Ça l'est d'autant plus qu'il m'arrive assez souvent de collaborer avec des scénaristes. On me propose un sujet, on me propose un synopsis, un projet écrit, et je traduis ça en dessin. Donc là, il y a une histoire qui préexiste. Mais il est arrivé, notamment pour moi, ça a été un de mes plus beaux souvenirs, c'est que j'avais pendant plusieurs années travaillé avec des scénaristes différents. Je n'avais jamais écrit moi-même une histoire que j'aurais mise en image. Et puis un jour, le hasard fait qu'on expose des dessins de plusieurs personnes qui avaient collaboré à un petit bouquin, parmi lesquels j'étais. Et j'avais fait un dessin qui était assez inhabituel pour moi, sur lequel on ne me reconnaissait pas forcément. Et une espèce de hasard très chanceux fait que plusieurs éditeurs se baladant dans cette exposition m'appellent et me disent « Tiens, est-ce que tu aurais quelque chose pour nous dans ce style-là » Et moi, bluffant et ayant envie de sauter, voilà, je dis oui sans avoir aucune idée, mais ce sont des images qui me viennent en tête et j'envoie à un éditeur qui depuis est devenu plus qu'un éditeur, un ami aussi, je lui envoie 6 pages venues comme ça de dessins qui étaient vraiment apparus et auxquels je donne une espèce de petit fil narratif qui pourrait constituer le début d'une histoire. Et en plus de ces 6 pages, il y en a 2 autres avec le même personnage, mais dans un contexte complètement différent. Et je dis à l'éditeur, fais-moi confiance, je relirai ces images-là d'une façon ou d'une autre parce que je sens qu'elles doivent se relier. Je ne sais pas combien de pages ça prendra, mais fais-moi confiance. Et finalement, ça a fait un livre un petit peu comme une pelote qu'on défile, comme ça, et ça a été une expérience géniale. Qui s'invente en cours de route, en quelque sorte. Qui s'invente en cours de route. Mais alors, justement, ce que vous dites, ça fait un peu penser à la mécanique quantique. Oui. À ce qu'on appelle la réduction du paquet d'ondes. Donc, une particule est en une superposition d'états qui correspondent à des propriétés différentes. Et quand on fait une mesure, il y a un seul de ces états possibles qui se manifeste. Il se manifeste, C'est comme si vous aviez, comme vous le dites, plusieurs images dans la tête, et au moment de les transcrire sous forme de dessin, votre main, j'imagine que vous dessinez avec la main, va en choisir une, alors peut-être au hasard. Alors là, ça aussi, c'est une question qui est pas mal, parce que il y a quelque chose aussi, alors je suppose que, à nouveau, c'est dans tous les arts, c'est comment lutter contre soi-même. J'ai une peur énorme de l'ennui, du coup, en général, j'ai tendance à faire des projets qui ne se ressemblent pas, le suivant est presque contre le précédent, ou en tout cas extrêmement différent. Et presque... En début de chaque livre, comme il y a ce nouveau challenge, en quelque sorte, de faire quelque chose de neuf pour moi, d'entrer, que ce soit dans un univers qui est neuf ou que ce soit dans un mode narratif qui est neuf, etc., il y a toujours une remise en question de me dire « Bon, je vais utiliser un papier différent, un format différent. » Ce sont 1000 choses petites qui semblent... Des outils différents. Utiliser un pinceau plutôt qu'une plume, un ordinateur plutôt que travailler à la main, etc. Et chaque fois... Malgré tout, après avoir tourné en rond 2-3 mois et avoir perdu ces 2-3 mois, j'en reviens à quelque chose que j'ai, en le voulant et sans le vouloir, élaboré avec le temps, petit à petit, de façon parfois discrète à moi-même, mais qui s'est fait presque derrière moi. Mais alors, quels sont vos instruments de travail? C'est toujours une feuille, un crayon d'abord? Essentiellement, oui. Essentiellement. Pour moi, ça vient beaucoup avec ça. Alors maintenant, j'utilise un peu plus l'ordinateur parce qu'on a des stylets extrêmement... facile d'usage pour travailler. Pour moi, ça me sert à faire mes brouillons. Je suis à ce niveau-là encore un dinosaure, c'est-à-dire ça devient de plus en plus rare. Les toute jeune génération travaille directement sur écran, sur tablette. Mais quand vous avez un spectacle devant vous, par exemple un paysage, une scène de rue, est-ce que entre votre imaginaire et cette réalité, il y a quelque chose qui s'interpose, qui serait simplement la possibilité d'en faire un dessin? Oui, est-ce que vous avez une lecture graphique, si j'ose dire, du réel qui se déroule sous vos yeux? Oui, et très souvent, d'ailleurs, je vois les choses en ligne. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis quelqu'un qui serait un peu issu de ce qu'on a appelé la ligne claire, cette espèce de ligne pure. J'ai plutôt tendance à voir les choses en ligne qu'en masse, je dirais. Et le monde m'apparaît souvent en ligne. Hier, j'ai pu m'arrêter, par exemple, dans une promenade pendant 5 minutes devant une forêt, mais la façon dont les arbres s'alignaient les uns après les autres. Et il y avait quelque chose d'extrêmement graphique qui me donnait envie de... C'est drôle que vous employiez le mot ligne, parce qu'il me revient en mémoire une citation, une phrase de Paul Klee, qui disait « Un dessin est simplement une ligne qui fait une promenade ». Eh ben, c'est très très beau, c'est magnifique. Pour moi, c'est tout à fait ça. Donc les dessins sont des promenades. Et d'ailleurs j'aime beaucoup. Est-ce que vous gardez le contrôle de la destination? C'est-à-dire, est-ce que vous contrôlez vos personnages ou est-ce que au moment où vous les dessinez, il y a quelque chose en eux qui vous échappe et qui fait que le résultat final n'est pas ce que vous aviez en tête? Alors il y a un petit peu des deux, c'est-à-dire que il y a une part de maîtrise, surtout quand on travaille sur le temps, c'est-à-dire que quand on a mis, j'allais dire, en route, un personnage, admettons, un univers, un décor, une ambiance, eh bien après on la décline pendant X pages, le temps qu'on défile notre histoire. Mais il y a toujours quelque chose d'accidentel à un moment ou à un autre, et moi j'adore cette idée en effet d'être surpris en quelque sorte par ce qu'on est en train de faire. Je me suis rendu compte que je suis plus surpris en regardant mieux. Ça peut sembler paradoxal, mais je veux dire, en s'inspirant plus du réel, on peut se surprendre soi-même. Par exemple, lorsque j'ai commencé à faire de la bande dessinée, il n'existait pas encore Internet, etc. Mmh. Donc, dès qu'il me fallait, par exemple, dessiner une histoire policière où il fallait utiliser tel flingue, ou je sais pas, ou telle machine, ou dessiner une voiture des années 20... Vous aviez du mal à trouver le modèle. Enfin, il fallait que j'aille dans des bouquineries, des bibliothèques, etc. Et c'était tout un travail de vraiment à compulser des manuels, des revues spécialisées, etc. Et aujourd'hui, avec le net, on a accès à des milliards d'images. Et notamment aussi des milliards d'attitudes. J'aimais beaucoup le dessin de croquis sur le vif de nu en académie, quand on devait dessiner quelqu'un qui tenait une position pendant 30-40 secondes, percevoir juste un mouvement, essayer justement d'aller à l'essentiel. Et malheureusement, en bande dessinée, il y a un moment, le risque qu'on a, c'est d'avoir des tics, un peu d'auto-parodier ses propres méthodes, qu'un personnage boive toujours de la même manière, en portant son verre de la même manière à la bouche, qu'il s'accoude de la même manière au comptoir du bar dans lequel il est, etc. Et plus, par contre, on regarde et on a accès à des images, et qu'on regarde autour de soi la façon dont les gens sont installés dans un bar, dont ils vont lever leur verre, qu'un tel ne le fait pas de la même manière qu'un autre, pour X raisons, pour des raisons de corpulence, d'âge, de fatigue, de n'importe, d'émotions qu'il est en train de partager, plus on fait attention à ça, plus on va se surprendre. C'est-à-dire qu'on va sortir de ses propres tics de dessin pour essayer de toucher autre chose. Donc c'est le réel qui vient doper l'imaginaire. En quelque sorte. Et ce réel, il y a ce réel, entre guillemets, d'observation, va servir à essayer de traduire ce qui serait peut-être pas forcément un imaginaire, mais qui serait l'absolu du réel, c'est-à-dire celui des sentiments qu'on a envie d'exprimer dans l'histoire qu'on est en train de raconter. Je suis en train de... Il y a aussi une chose dont ici on est en train de parler du dessin, mais une des particularités de la bande dessinée qu'elle partage par exemple avec le cinéma, c'est que la mise en scène y est pour beaucoup. Un dessinateur, outre la question de son dessin même et de son style de dessin, si je suis en train de raconter une scène où un personnage masculin, un couple marié depuis 25 ans, ils sont tous les deux dans la cuisine et l'homme vient d'annoncer à sa femme qu'il va la quitter, aucun dessinateur, ou en tout cas la plupart, ne prendront le même angle de vue pour raconter cette histoire-là. Sans parler du tout des qualités de dessin ou des différences de dessin, de style de dessin pur, de trait. Mais simplement, il y en a un à tel moment qu'il va s'approcher des deux personnages, les dessiner en gros plan. Un autre, plus pudique peut-être, va prendre une distance. Un autre va passer l'œil en quelque sorte de sa caméra à travers la porte. Enfin voilà. Et donc ça joue énormément, énormément. Et une des raisons pour lesquelles je recommence beaucoup mes dessins, ça n'est pas toujours tant la justesse du dessin que l'angle exact que j'ai envie de donner à la scène pour que l'émotion que je voudrais exprimer puisse passer le mieux possible. Mais Christian Durieux, vous établissez là un parallèle entre le cinéma et la bande dessinée. Il est évident, mais en même temps, il y a des différences. C'est que la discrétisation entre les images dans la bande dessinée est beaucoup plus importante qu'au cinéma. Oui. Et la question est de savoir comment nous qui lisons une bande dessinée ou qui regardons un film, nous avons l'impression d'un fil continu, d'une histoire qui se déroule, alors même qu'elle nous est présentée par séquences disparates. Tout à fait. C'est le grand pari et c'est une des grandes joies d'être auteur de bande dessinée, dessinateur de bande dessinée. C'est d'arriver à faire oublier au lecteur ce qu'on appelle parfois pompeusement l'espace inter-iconique. Cette petite, ben oui, je suis désolé d'utiliser des mots difficiles, mais ces petits espaces blancs. L'espace inter-iconique. C'est l'espace inter-iconique. Vous avez parié avec quelqu'un, vous avez non. Casé. Je vous jure que j'ai dû apprendre ça à mes dépens. Donc c'est ce petit espace blanc qui sépare chacune des cases. Et en fait, justement, c'est l'art de la bande dessinée, c'est l'art de l'ellipse. Vous ne pouvez pas en bande... Donc, ce fameux espace inter-iconique, vous allez devoir forcer le lecteur à le franchir comme le pont d'Arcole à Bonaparte. C'est-à-dire qu'il doit le franchir sans se rendre compte qu'il y a eu cet espace et qu'effectivement la lecture soit continue. Et en même temps, ce qui est magnifique, c'est qu'on n'est pas aidé par le son. On peut inventer des onomatopées, etc., mais on n'est pas aidé par le son et on est obligé d'être dans l'ellipse parce que vous ne pouvez pas, justement, un personnage, une conversation entre deux personnages dans un café, vous ne pouvez pas décomposer chacun des mouvements des deux personnages avec sa cigarette, son verre qu'il porte à ses lèvres, etc. Au cinéma, ce geste semble fluide. On va voir le personnage en bande dessinée. Vous êtes obligé d'aller au geste essentiel pour faire comprendre l'intention. Et c'est l'esprit du lecteur qui va établir une continuité là où il n'y en a pas. Oui. Qui va remplir les espaces inter-iconiques. Les fameux espaces inter-iconiques. Oui, je m'étais parié à moi-même que je pourrais moi aussi le dire. Il faut arriver à l'articuler, en plus j'ai lu longtemps devant mon miroir. Alors d'où vient qu'on peut raconter une bande dessinée, mais on ne peut pas raconter un dessin? Enfin, j'ai l'impression que raconter un dessin, c'est presque impossible. Oui. Raconter un dessin, c'est toujours trop en dire ou pas assez, en quelque sorte. Qu'est-ce qu'une image montre? Qu'est-ce qu'un dessin montre que les mots ne parviennent pas à dire? Est-ce que c'est une sorte d'instantanéité qui nous saisit et que le langage ne peut rapporter que de façon linéaire? Oui, il y a de ça. Et c'est d'ailleurs, pour en revenir à la discussion tout à l'heure sur le fait qu'il y a ce temps incompressible de la création en bande dessinée, du travail de créer ces images, de les dessiner, de les agencer. Eh bien, inversement à ça, le but, c'est d'arriver à faire une image qui, en quelques traits, contienne un monde et que de nombreux mots seraient obligatoires pour la décrire. On ne pourrait pas décrire cette image sans utiliser toute une série de mots plus ou moins importants, alors qu'en quelques traits. Mais c'est complètement fou parce que au moment où nous parlons, je sors comme d'habitude. C'est pas très compliqué de me voir sortir de ma table à dessin. J'y passe quand même beaucoup beaucoup d'heures chaque jour, et j'ai passé hier 2 heures sur quelque chose que personne ne verra jamais, sur une pupille de l'œil d'un enfant de 7 ans dans le Naples des années 50, un petit garçon qu'on voit de loin sur un balcon. Mais c'est un moment important dans son histoire. Il va rencontrer une petite fille qui va être importante dans sa vie. Et cet œil devait dire ce qu'il reçoit à ce moment-là et presque déjà, idéalement, annoncer ce qu'il va recevoir ou ne pas recevoir plus tard, en une image. Et j'étais obsédé. Je suis venu avec mon blanco comme un enfant qui corrige dans son cahier. Le blanco, c'est le truc qui permet d'effacer. Le Tippex, le Tippex qui permet d'effacer pour recommencer ce petit point. Vous avez réussi? Je crois, mais j'ai encore cet espace de temps, si je puis dire, puisque je dois encore faire scanner cette page-là, et pour après pouvoir la mettre en couleur. Le test. Et voilà, il y aura encore, parce que là, il y a la lumière qui va venir dessus, et donc là, ce sera la phase ultime. Alors, Christian Durieux, on vient de dire que c'est difficile de raconter un dessin, mais les dessins, ça fait parler. Plantu dit que tout dessin délie les langues. Mmh. Et il fait parler de lui, en quelque sorte. Est-ce que vous entendez des commentaires sur vos dessins, à part les quelques critiques que vous avez rappelées tout à l'heure? Oui, oui. Les commentaires, il y a différents commentaires. Ce qui est toujours, moi, ce qui est passionnant, c'est d'écouter les commentaires des pairs, bien sûr, parce que quand il y a des gens que vous estimez, dont vous estimez le travail, où on parle à la fois métier et amour, parce qu'on fait des métiers d'amoureux de leur métier. Ça, c'est important. Et puis, ce qu'on reçoit, par exemple, en dédicace, la façon. Mais c'est vrai que ce qui est rare, c'est que finalement, on me parle assez peu de dessin. Souvent, les gens, quand ils viennent me voir, ont été touchés par une histoire qui leur a été apportée par ce mélange de dessin, de dialogue, de mise en scène, etc. C'est un tout. Et alors, parfois, il faut pas toucher au monstre sacré, parce que j'ai eu l'occasion de faire... Il y a une collection aux éditions Dupuis qui permet qu'un auteur puisse s'emparer du personnage assez mythique de Spirou. Et vous l'avez fait ? Oui, donc j'en ai fait un album à ma sauce, oui. Et ça fait un Spirou amoureux et mélancolique, mais joyeux aussi, hein, je vous rassure, je suis toujours et joyeux et mélancolique. Un Spirou amoureux et mélancolique avec une histoire politique, et j'ai eu les gardiens du temple, bien sûr, qui me sont tombés dessus en disant qu'est-ce qu'il nous a raconté là avec ce Spirou. Et là, et par contre, ils en viennent vite au dessin. Et d'ailleurs, regardez comment c'est torché, c'est mal dessiné, c'est impubliable. Mais c'est-à-dire que dans leur esprit, Spirou est un personnage réel. Il y a un moment on peut pas jouer. Mais vous connaissez peut-être cette anecdote qui est magnifique à propos d'Hergé justement et de Tintin. Il y a une époque où il y a eu des adaptations de Tintin au cinéma avec des acteurs réels qui jouaient les rôles des personnages. Et je crois, dans mon souvenir, c'était Jean Bouise qui jouait le rôle du capitaine Haddock. Et il y a un enfant qui avait écrit une lettre à Hergé en lui disant « J'ai été voir le film de Tintin, c'était magnifique, mais il y a une chose que je regrette, c'est que le capitaine Haddock n'a pas la même voix que dans les livres. » Et ça, c'est ce qu'on doit arriver à donner. Mais c'est vrai qu'on l'entend, le capitaine Haddock. On a l'impression de connaître sa voix. Ben oui, oui. Quant à Tintin, c'est quand même bizarre qu'il ait marqué à ce point notre imaginaire presque mondial. Oui. Alors qu'il n'a pas d'âge. Oui. Il ne vieillit pas. Non. Il n'a pas d'origine. Il n'a pas d'histoire personnelle. Non. Il n'a pas de lien, pas de famille. Non, rien du tout. Je pense qu'il est juste le marqueur de certaines choses, mais de façon finalement très neutre. Je suis pas sûr qu'Hergé, en fait, je ne suis pas sûr qu'Hergé aimait beaucoup Tintin. Je veux dire, je pense qu'il avait plus d'affinité avec Haddock ou Tournesol ou les autres. Et qu'il y avait plus, un petit peu comme si, parce que... Après, c'est difficile de s'identifier à Tintin. Oui, voilà. Mais je pense que justement, comme c'est difficile de s'identifier à un idéal qui serait traduit de façon aussi neutre, en quelque sorte. Parce que, c'est très bizarrement, c'est peut-être plus facile de s'identifier à un type avec une cape rouge et un costume bleu et des toiles d'araignée que à Tintin, dans un sens. Ça fait plus rêver de s'identifier à Spider-Man ou à Batman ou je ne sais pas qui, peut-être, pour un enfant. Oui, avec Tintin, on a l'impression que tous les caprices, tous les excès sont interdits. En plus. Alors que le capitaine Haddock, on se dit, un petit coup de gnôle, ça peut pas faire de mal. Je peux en témoigner parce que j'ai été censuré par Moulinsart parce que je voulais faire une affiche. Enfin, on m'avait commandé une affiche pour une société de vin dans la région bordelaise sur le thème de viticulteurs belges, bon. Et j'avais fait un Tintin qui buvait du vin dans une vigne et on voyait le vin couler à travers. C'était une silhouette simplement, mais bien sûr très reconnaissable. Et donc, comme Moulinsart, qui est la société, disons, qui s'occupe des droits, est très à cheval sur l'utilisation qu'on fait du personnage, ils ont directement censuré. Et il y avait un PS dans la lettre de menace d'avocat disant « Tintin ne boit jamais d'alcool ». Donc le faire boire était en plus un crime d'autant plus fort. Donc il y a des dessins qui peuvent mentir, en quelque sorte. Voilà, en quelque sorte. Ben, avec joie. Hein. Alors qu'est-ce que c'est qu'un dessin qui ment Mais moi, de toute façon, j'aime beaucoup l'idée. En fait, ce qui est extraordinaire aussi avec le dessin, c'est... pas tant le fait qu'il mente ou qu'il dise la vérité, ça après ce serait un long débat, mais c'est qu'il ait des façons multiples de traduire les choses. Vous pouvez, par des petites trouvailles esthétiques, des petites trouvailles comme ça, vous pouvez inventer des univers entiers que vous ne pourriez pas vous permettre du tout. Si avec le cinéma, mais justement essentiellement avec le dessin animé. Et puis aujourd'hui, maintenant, on est arrivé à des trucages, etc. Mais il y a des moments où vous pouvez exprimer tellement de choses par un petit truc de dessin qui n'est pas réaliste, qui n'a pas l'air de dire la vérité du monde, mais qui la traduit très très bien. Mais ce qui m'impressionne dans votre façon de dessiner Christian Durieux, c'est qu'on vous montre un personnage. Oui. Et vous arrivez à le traduire avec un nombre de traits minimal qui saisit son essence. Oui. Mais en fait... Même parfois avec des yeux qui se réduisent à un point. Oui. Et bien que ce soit un point, vous avez capté le regard. C'est une chose que j'ai envie de croire, c'est qu'un point n'est jamais seulement un point. Et qu'en plus, ça dépend de la manière dont on le pose, d'où il est. Et si on regarde de près, d'ailleurs, je suis tellement fasciné par le dessin que je pourrais reconnaître le style de plusieurs dessinateurs juste à un point. On n'a pas tous la même manière de poser un point, comme on a une graphie différente quand on écrit. Tous les points ne sont pas égaux. Voilà, tous les points ne sont pas égaux. Et ouais. c'est ce qui est très beau, c'est ce qui fait leur dissemblance, c'est ce qui fait la beauté de chaque point. Hein, mais... Léonard de Vinci qui dessinait très bien, vous êtes d'accord? J'ai cru l'entendre, oui, j'ai cru comprendre. Oui. Il disait le dessin est une chose mentale. Oui, cosa mentale, si. Qu'est-ce que ça veut dire, une chose mentale? Mais parce que je crois que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas quelque chose... Pour moi, le dessin n'est pas de l'ordre de l'instinct. Il est de l'ordre de la construction. J'ai une fascination aussi. Alors la construction ne veut pas dire forcément des codes appris ou d'une machinerie qu'on devrait mettre en place et qui prendrait toujours le même pour laquelle on utiliserait toujours les mêmes outils, qui auraient toujours les mêmes rouages. Mais il y a quand même l'idée d'une construction ligne à ligne, de quelque chose qui vient du néant et qui petit à petit se construit de façon réellement mentale. J'ai une fascination, puisque je vous disais être un enfant de la ligne claire. Qu'est-ce qui est plus ligne claire dans l'art mondial que la plupart des arts asiatiques, par exemple? La stampe japonaise, c'est quelque chose. Et on sent à quel point il y a quelque chose d'extrêmement rigoureux, ténu et tenu. Et qui est très difficile à imiter et qui est purement mental. Oui, tout à fait. Et moi, une des choses que j'adore dans mon métier, c'est cette espèce de petite danse qu'on est obligé de faire. Mais de nouveau, hein, je crois que c'est propre à tous les arts, parce que construire un morceau de musique ou écrire un roman, c'est la même chose. Cette espèce de petite tango qu'on fait entre, disons, spontanéité, émotion, et raison et travail. Et donc toujours cette espèce, c'est-à-dire de... Je ne crois pas qu'on écrive sous l'effet de l'émotion pure, ou qu'on dessine sous l'effet de l'émotion pure. Il faut ce moment de recul pour arriver à traduire ça, que ce soit en bande dessinée comme ailleurs. Et cette espèce de petite danse-là, j'adore ça. C'est-à-dire de traduire quelque chose qui, au départ, peut être la traduction de quelque chose qui a été réellement bouleversant pour vous. En plus, ça dépend du degré de pudeur qu'on a. Vous parliez tout à l'heure gentiment de ce mot élégance à mon propos. Il y a aussi l'élégance, c'est aussi se tenir à une forme de distance, j'allais dire, des choses. Et par exemple, j'ai conscience que beaucoup de choses que je raconte dans mes bandes dessinées parlent beaucoup de moi, mais personne ne saura jamais, n'en saura jamais la lettre vraie. Il y a toujours cette espèce de distance. Et là, la part de mental joue beaucoup. Alors, Christian Duriot, vous parliez tout à l'heure de ces fameux espaces intericoniques. Ah, mais depuis que j'ai appris le mot, je vais l'utiliser fréquemment. Et ça me fait penser à cette phrase de Merleau-Ponty, le philosophe. Vous rigolez, donc vous me reprochez espaces intericoniques et vous citez Merleau-Ponty. Et ben justement, ça va très bien parce que lui dit, regardez, enfin écoutez, le propre du visible est d'avoir une doublure d'invisible qui le rend présent comme une certaine absence. Ah, magnifique, oui. C'est exactement ce que vous avez expliqué. Et est-ce qu'on arrive à comprendre le mécanisme par lequel une présence peut faire surgir une absence? C'est-à-dire que ce que vous montrez, en fait, montre aussi tout ce que vous ne montrez pas. Exactement. Et c'est ça qui organise la mise en scène, la suite des images. C'est ce que j'aime, mais je crois que vraiment, à nouveau, c'est pareil dans tous les arts. Un mot peut contenir un monde. Et c'est aussi cette absence-là, enfin, c'est la révélation de cette absence qui fait aussi toute la beauté et la profondeur de quelque chose. Moi, j'adore ça dans le dessin. D'où peut-être mon goût pour le dessin épuré. Parce que pour moi, ça laisse du coup plus place à l'existence de cette absence, en quelque sorte. Alors que je suis assez peu sensible à un dessin qui serait extrêmement chargé, où les intentions sont beaucoup trop visibles. Dès qu'une intention est visible, je m'éloigne. Ça m'empêche de rêver, ça m'empêche d'entrer dans la scène même, quoi. Il y a un de vos albums, on dit album, ouvrage? On peut dire album, livre. Qui m'a particulièrement ému, c'est celui qui s'intitule Le Faux Soir, qui raconte une histoire vraie. Oui, qui m'a ému. C'est produit en Belgique en 1943. Un acte de résistance qui a pris la forme d'un canular, même si le mot canular n'est pas adapté au tragique de cette époque. Mais justement, c'était une occasion où la résistance belge contre l'occupation s'est exprimée sous une façon à la fois très courageuse, très drôle et très chèrement payée pour oui. ceux qui l'ont menée à terme. Oui. Est-ce que vous pouvez la raconter ? En fait, pour la dire en deux mots, en novembre 43, donc en Belgique comme dans tous les pays qu'ils avaient envahis, l'envahisseur, les Allemands, sont allés trouver les directeurs de journaux et leur ont dit soit vous collaborez, je le dis très vite, hein, soit vous collaborez, soit vous partez et nous installons des hommes à nous à la tête de votre journal. Donc ils ont été voir la famille Rossel, qui était ceux qui possédaient le journal Le Soir, qui était le grand quotidien national laïque belge. Et ils ont refusé de collaborer. Et du coup, les Allemands ont installé des hommes à eux à la tête du journal. Sans changer le titre. Sans changer le titre et en continuant avec des ventes journalières qui étaient extrêmement élevées. Il y avait, je pense que c'était au moins 1 ou 2 millions d'exemplaires vendus, qui continuaient à être vendus chaque jour, pour une simple raison, c'est que dedans, il y avait notamment une série d'informations pratiques sur le marché, sur les denrées. L'étiquette de marché. L'étiquette, etc. Et donc, toutes ces informations dont le peuple avait besoin au quotidien se trouvaient dans le journal. On l'appelait Le Soir parce qu'il était vendu au soir, le soir à la sortie des usines. Et un jour de 43, de novembre 43, une bande de résistants se sont dit, plutôt que de faire comme d'habitude des espèces de pamphlets qui se distribuent sous le manteau contre l'occupant mais qui ne servent pas toujours à grand chose et qui demandent beaucoup d'énergie, si on essayait de faire un faux numéro du soir qui serait distribué dans les kiosques au nez à la barbe des nazis avant eux, avant ce qu'on appelait le soir volé par les Allemands. Et donc, ils se sont arrangés à quelques journalistes pour faire un faux numéro d'histoire à l'identique. Ils ont été volés ce qu'on appelle le flanc du journal. Donc, le flanc, c'est le titrage du journal. Ils ont été volés à l'imprimerie allemande, etc. Et donc, ils l'ont fait à l'identique. Et ils ont réussi à planquer des centaines d'exemplaires dans des arrières-salles de café. Et le jour dit, des gens sont partis de partout, de tous ces cafés. Le 9 novembre 1943. Le 9 novembre, parce que le 11 étant férié, ce qui était d'ailleurs très ironique, puisque ça fêtait la défaite allemande de 18, mais les Allemands l'avaient gardé comme jour férié. Mais donc, le 9 novembre 43, ils ont réussi à faire distribuer ce faux journal dans les kiosques un quart d'heure avant que n'arrive le soir allemand. Donc les kiosquiers eux-mêmes n'étaient pas au courant, n'y ont vu que du feu, ils ont cru que c'était le soir. Et là, quand les gens l'ont ouvert, se sont dit « Ah ben ça va être encore les mêmes bêtises pro-nazis, etc. » Ils ont ouvert et ils ont vu un pamphlet extraordinaire et tout le monde s'est mis à rire. Ce qui a été très mal reçu par l'occupant, bien sûr. Oui, il y a par exemple un article qui s'intitule « La conférence de Berlin ». Je lis les premières lignes, ça décrit l'arrivée de Mussolini. Les trains fascistes arrivent toujours à l'heure, si bien que le train de Monsieur Mussolini est en avance sur l'horaire lorsqu'il entre dans la gare d'Anhalt. Bref, sonnerie clairon, le Duce descend et en attendant le Führer fait les 100 pas romains sur le quai. Mais voici le Führer. Duce, s'écrie le Führer. Führer. Et leur voix s'étrangle d'émotion. La musique attaque alors le morceau favori du Führer. Ich hatte eine Kameraden, j'avais un camarade, morceau qui arrache des larmes à la garde d'honneur. Oui, oui. Enfin, ils avaient même mis des petites annonces, etc. Oui, mais alors, très drôle. Vent veste retournable. Oui. Enfin, mais il faut un peu de temps pour se rendre compte que c'est un canular. Ah oui, oui, oui. Surtout qu'aujourd'hui, on n'a plus les codes. Hein. Oui, on n'a plus les codes. Et les titres sont sérieux. Stratégie efficace. Berlin admet que la situation est des plus sérieuses. Un document du décrochage à la victoire défensive. Enfin, plus on avance, plus on se rend compte que c'est un gag. Oui, oui, tout à fait. J'imagine que certains se sont fait duper assez rapidement. Ah oui, oui, oui, oui, oui. Et en fait, du coup, au départ, ils se sont fait duper, puis très vite, c'est devenu un objet de convoitise, parce que c'est devenu un emblème de résistance. Et alors, moi, une chose que j'ai adorée dans cette histoire, parce que je ne la connaissais pas avant qu'on vienne me la proposer, ce que je trouve très beau, c'est l'idée du sérieux qu'il faut pour faire un canular, justement, dans ce cadre-là. C'est-à-dire que tout était tellement risqué, ça tenait à tellement peu de choses, qu'il a fallu faire ça avec une dose de travail, de sérieux, pour reproduire exactement à l'identique le journal, en imiter les mots, etc. Et la prise de risque, c'est incroyable, quoi. Mais les Allemands ont mis du temps à trouvé les auteurs, je crois. Oui, ils ont mis beaucoup de temps. Mais quand ils les ont trouvés, ils ne les ont pas ratés. Non, ils ne les ont pas ratés. Et en fait, ça s'est tenu à peu de choses. Ça s'est tenu. On reconnaissait les imprimeurs à la petite dentelure qu'il y a le long des pages et qui était la marque, si vous voulez, de la machine d'impression, chacun ayant la sienne. Un petit peu comme des empreintes génétiques. Et eux, comme ils le savaient, ils connaissaient très bien, c'était un imprimeur professionnel qui l'avait imprimé, ils avaient coupé à la main tous les exemplaires. Malheureusement, ils avaient laissé traîner un ou deux d'essais qui leur avaient servi au départ de tests et que les Allemands ont fini par trouver. Donc, ils ont retrouvé la trace de l'imprimeur et puis de tout ce qui était parti. Ils sont partis tous en déportation. J'ai eu une expérience extraordinaire parce que quand on parlait du dessin et de la façon dont on traduit la réalité, là je me retrouvais à devoir dessiner le visage de gens dont je n'avais aucun témoignage photographique. Il y a des gens qui, chacun à leur manière, ont participé à l'aventure, par exemple en cachant un cafetier, par exemple, qui cachait des exemplaires et prenait le risque de cacher des exemplaires dans son café. Eh bien, à la fin, on représente tous les visages de ceux qui ont disparu. Et il y en a pour lesquels je n'avais vraiment aucun document photographique. Donc, je les ai inventés. Et il y en a un qu'on appelle notamment Petit Léon, je ne sais plus, quelque chose comme ça, Petit Paul, il me pardonnera le pauvre, et qui est mort en déportation. Et je me retrouve en séance de dédicace à Bruxelles dans une librairie et vient une dame avec sa fille. Et elle me dit, vous savez, je suis la fille de Petit Léon. Je ne l'ai jamais connu. J'avais 8 mois quand il est mort en déportation. Et le hasard fait qu'une grande tante est décédée il y a quelques jours. Et en déménageant sa maison, j'ai retrouvé la seule photo de mon père. La voici. Elle m'a tendu la photo de son père, qui n'avait bien sûr rien à voir physiquement avec celui que j'avais représenté. Mais elle m'a dit, mais de toute façon, vous n'aviez pas les documents. Mais l'important, c'est ce que vous en avez dit. Et c'était très, très, très émouvant. Il faut faire peut-être une deuxième édition. Oui, ce serait bien. Oui, en corrigeant. Oui, voilà. Oui. Mais alors, enfin, moi, j'ai du mal à imaginer comment on peut faire un tel album en une seule vie. Il y a des bâtiments qui sont dessinés avec une grande précision, avec un grand souci réaliste. Les visages, comme vous le dites, sont très épurés. Vous savez, les questions qu'on se pose, parce que des documents, on arrive à en trouver, et souvent, ça tient à des détails, les questions qu'on se pose. C'est par exemple, un tramway à l'époque dans Bruxelles, comme il y a le couvre-feu, il roule jusqu'à quelle heure? Est-ce qu'il y a de la lumière à l'intérieur? Ça peut sembler idiot comme question. Donc vous menez un travail d'historien en même temps. À ce moment-là, oui. En plus, comme c'est une histoire vraie, est-ce que ça change votre souci de réalisme? Quand vous adaptez un roman, par exemple, j'imagine que vous vous sentez un peu plus libre. Oui, mais en fait, oui et non, parce que, en fait, dans un sens, on a fait une allusion à ça dans le livre. Il se fait qu'un des personnages qui accueillait, un résistant qui accueillait tous les autres chez lui pour organiser ce fameux fossoir, était un peintre qui s'appelait Léon Navez. Et Léon recevait tout le monde dans son atelier. Et on sait qu'il a existé de lui une peinture qui représentait ces réunions-là avec tous les participants à ce canular, tous les résistants qui se retrouvaient chez lui. Et donc, il a fait une peinture où on voit ces personnages assemblés dans son atelier qui montent ce coup anti-allemand, ce coup de résistance. Et cette peinture a disparu. Et donc, moi, je n'en ai jamais trouvé de trace nulle part. Et donc, la toute dernière image du livre, c'est une fausse peinture de Navez que j'ai faite en m'inspirant de son style de dessin et de certaines peintures en particulier, et en y mettant, donc, en y représentant les personnages de l'histoire tels que moi je les avais représentés dans la narration qu'on avait eue. C'est une sorte de mise en abîme, si on veut, en quelque sorte, de ce que c'est ce métier, justement. Christian Durieux, Philippe Cadic, que vous connaissez, oui. J'imagine, a donné une conférence un jour qui s'intitule « Comment construire un univers qui ne s'effondre pas 2 jours plus tard ?» Ah oui. Alors que vous avez des histoires très très longues. Qu'est-ce qui donne une cohérence à toute l'histoire que vous racontez? C'est très étonnant. Est-ce qu'il arrive où l'histoire, des cas où l'histoire tombe en panne en quelque sorte? Elle peut tomber en panne. Elle peut tomber en panne. On peut vraiment. D'ailleurs, j'ai traîné longtemps en tête l'idée d'écrire un roman là pour le coup sur un dessinateur qui perdrait, qui arrêterait un livre au milieu, mais sur un dessin qu'il n'arriverait jamais à à terminer. Enfin, qui ne lui plaît pas et qui casse en quelque sorte tout. Et il arrive, alors ce qui est embêtant, mais ça tout le monde, je suppose, le sait quand on travaille sur le temps long, c'est le regret du début. C'est le regret de ce qu'on a fait au début. Quand on cherche au début ces marques, qu'on cherche la physionomie des personnages, à créer un univers, un décor, etc. Et plus on avance dans l'histoire, plus on trouve quand même. Enfin, je veux dire, en tout cas... Ah, c'est mieux à la fin qu'au début, vous voulez voilà. dire. On a envie de recommencer. On a envie de recommencer, automatiquement. De la même manière que... Mais je suppose qu'il doit être très compliqué pour un cinéaste de voir son film à Cannes la première fois ou de les premières fois que je recevais un livre que j'avais terminé. Il y a un décalage. Quand vous avez terminé un album de bande dessinée, en général, il y a facilement un décalage de 2-3 mois entre le moment où vous l'avez terminé et le moment où il sort en librairie. Donc, quand vous le recevez, quand vous le découvrez imprimé 3 mois plus tard, alors que vous êtes déjà en plus passé à autre chose, etc., vous n'en voyez plus que les failles, vous vous mettez sous la couette et vous pleurez. Il y a pas de... Ça, c'est la même chose pour les livres. Mais c'est pareil, bien sûr, bien sûr. Christian Durieux, j'ai presque une dernière question. Le temps passe, hélas, mais que font vos personnages? Où vont-ils une fois que la BD est terminée? Ah oui, est-ce qu'ils ont une vie qui continue dans une sorte d'ailleurs, ou est-ce que pour vous ils sont morts? Ah non, pour moi ils ont une vie qui continue, et c'est d'ailleurs, je me retrouve confronté parfois à cette question-là avec des tentations, par exemple, de continuer à leur donner vie quand il y a moyen, pourvu qu'ils ne soient pas décédés dans les pages. Les histoires que je raconte en général ont assez peu de lien avec la résurrection ou les super-héros, je ne sais pas quoi. Mais par exemple, il y a une bande dessinée qui s'appelle Les gens honnêtes, dont j'ai fait 4 volumes, commencé avec quelqu'un et terminé tout seul. Enfin, on co-écrivait les 2 premiers volumes et j'ai écrit les deux derniers seuls. Et ce sont les personnages traduisaient mes moments de vie de l'époque, un déménagement de la Belgique dans la campagne bordelaise, etc. En inventant plein de choses par rapport à des gens que j'ai rencontrés et tout. Et donc, quand j'ai terminé ce dernier volume, c'est un volume qui se termine avec une porte ouverte. D'ailleurs, je crois que la dernière phrase, c'est « tout commence » ou quelque chose comme ça. Et parce que je crois que j'ai toujours besoin de croire que ça va continuer. Mais il faut aussi résister, par exemple, je pense, à la tentation qui peut être forte parfois de se dire « ah, je continuerai bien ». Non, il y a un moment, il faut aussi savoir dire « stop ». C'est comme si on leur avait... On a pu les accompagner. Leur vie continue, mais le moment où on avait à les accompagner, ça c'est fini, c'est bon, il faut le savoir. Après, c'est eux qui suivent leur chemin. Et ils vivent dans l'imaginaire des lecteurs. Et ils vivent dans l'imaginaire. Mais c'est ça qui parfois est une tentation, des gens qui disent « Ah, on a tellement aimé, on aimerait bien les retrouver ». Mais non, il faut résister à ça. Ouais. Christian Durieux, c'est un sujet dont on parle beaucoup, c'est évidemment l'intelligence artificielle. Est-ce que pour vous, elle est une aide éventuelle? Est-ce que c'est une concurrence? Et en quoi elle change, sinon votre métier, du moins celui de ceux qui, comme vous, dessinent des bandes dessinées? Mais je pense que c'est encore trop tôt, du coup, l'utiliser comme un outil. Je pense qu'aujourd'hui, alors je ne sais pas, je ne suis pas assez documenté, je pense que globalement, quand j'entends autour de moi, ça devrait faire assez peur. L'idée qu'on puisse ôter, en quelque sorte, cette capacité de dessin à l'artiste. En même temps, je pense que ça vaut la peine. C'est un sujet qui est peut-être très beau à traiter en bande dessinée avec cet outil-là aussi, pour peut-être voir quel serait ce chemin entre critique et utilisation de l'outil lui-même. Mais comme pour chaque chose, hein, on a vu arriver les outils informatiques en bande dessinée aussi avec beaucoup de craintes, en pensant, et on a vu des tics apparaître qui sont des tics purement d'utilisation de cet outil-là. C'est pas facile de faire donner à un outil la sensibilité, bien sûr, d'une main. Et donc l'intelligence artificielle, pour moi, c'est encore beaucoup, beaucoup trop tôt. J'avoue que je sais même pas l'utilisation qu'on pourrait en faire à terme. Il pourrait y avoir 2-3 expériences comme celle-là, mais que ça devienne une norme, ça me semblerait assez hallucinant. Merci Christian Durieux d'avoir dopé notre imaginaire par l'image. Oui. Et sans image, avec la parole seulement. D'ailleurs, vous disiez tout à l'heure, vous étiez à la fois mélancolique et joyeux. Vous connaissez votre anagramme? Ah non, tiens, ça... Mais... C'est un Christ radieux. Magnifique. Ah non, il y a un i en trop. Ah. Alors attendez, ça fait Christ radieux uni. C'est pas mal aussi. C'est pas mal. Voilà. C'est pas mal. Merci à vous d'être venu. C'était la conversation scientifique avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Timothée Hubert et à la réalisation Luc Jean Reynaud.